nous accueillons Pasteur Noah Obacha. Bonjour. Je voudrais essayer de parler français. Parce que c'est une joie pour moi de connaître français. Les jours je vais parler tous les français, je pense que je vais manger les gros taureaux. Un jour, on a voulu m'arrêter. Sababu ya kukosa kujua lugha. Juste parce que je ne connaissais pas la langue. Walinichukua nikaona wananipeleka fasi. On m'a pris et amené quelque part. Naona juu imeandikwa police nationale. Et on écrit police nationale. Na wananiambia kuja. On me dit viens. Sasa nashindwa nitasema nini na huyu mtu. Et je ne savais pas quoi parler. Kukosa kujua lugha. Juste parce que je ne sais pas la langue. Na nikawa ninawazia. Et je pensais que vile wengine tunafungwa kiroho, certains sont bloqués spirituellement sababu hatujui lugha ya mbinguni, parce que nous ne maîtrisons pas la langue du ciel, lugha ya ufalme, la langue du ciel. Unajua kila ufalme inakuwa na lugha yake. Chaque royaume a sa langue. Sasa lazima ujue lugha ya ufalme. Et il te faut connaître la langue de ton royaume. Swahili ni lugha yetu hapa. Swahili c'est notre langue ici. Lakini lugha ya ufalme ni gani? Mais quelle est la langue de notre royaume? Amen. Sasa nataka nionyeshe kitu. J'aimerais montrer quelque chose. Mama ukiwa pale tu. Maman là où tu es. Hebu soma hii maneno. Unaweza ona? Tu peux lire. Ah, kwa nini hauwezi ona? Pourquoi tu ne peux pas? Iko mbali. C'est loin. Na mimi ninaona. Mais moi je vois. Mimi naweza soma. Et je peux lire. Kwa nini mimi naweza soma na yeye hawezi soma? Pourquoi moi je peux lire et elle non? Sababu ako na distance. Parce qu'elle est en distance. Sasa maandiko inasema. Il est écrit. Imeandikwa juu yangu katika kitabu. Il a été écrit à mon sujet dans le livre. Alafu ni Zaburi chapitre 40 ninasema. C'est Psaume chapitre 40. Alafu anasema ninakuja kufanya mapenzi yako. Il dit je viens accomplir ta volonté. Sababu imeandikwa juu yangu katika kitabu. Parce que il a été écrit à mon sujet dans le livre. Sasa imeandikwa juu ya maisha yako ndani ya kitabu. Ta vie est mentionné dans le livre. Lakini ukiwa à distance, mais si tu es en distance, hautaweza kusoma ile kitabu. Tu ne sauras pas lire ce livre. Sababu mwenye ameandika ile kitabu, c'est lui qui a écrit ce livre. Ni Yesu. C'est Jésus. Na hiyo kitabu ya maisha yako yeye ako nayo. Et c'est lui qui a ce livre de ta vie. Ukisongea karibu, si tu t'approches, utaweza soma yenye imeandikwa ndani ya kitabu. Tu vas bien lire ce qui est écrit. Lakini ukiwa mbali, mais si tu es loin, hauwezi ukasoma yenye iko ndani ya kitabu. Tu ne sauras pas lire ce qui est dans le livre. Imeandikwa, il a été écrit. Lakini hautakuwa unaona. Mais tu ne seras pas en train de voir. Sasa tukiongea destiny yako ni nini? Et lorsque nous parlons de ta destinée, imeandikwa ndani ya kitabu kuhusu wewe. Il a été écrit à ton sujet dans le livre. Lakini lazima usongee karibu. Mais il te faut être si proche. Kwa ibada ya kwanza, au premier culte, nilionyesha habari ya mwangaza. Je parlais de la lumière. Wakati huko mwangaza iko karibu, lorsque la lumière est si proche de toi, unaweza soma kwa haraka. Lorsque tu peux lire facilement. Sababu hata kama imeandikwa, même s'il est écrit, na nisongee karibu, et que je m'approche, na nikose kukua na mwangaza ya kutosha, sans que je n'ai une lumière suffisante, sitaweza kusoma. Je ne saurais pas lire. Sababu hakuna mwangaza. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Sasa nataka uone haya mambo mawili. Je veux que nous voyons ces deux choses. Ya kuwa lazima kuwe na mwangaza. Premièrement, il faut qu'il y ait la lumière. Mwangaza ya kutosha. Une lumière suffisante. Ndio uweze kuona vizuri. Pour que tu voyes bien. Lakini hata kukiwa na mwangaza. Et même s'il y a la lumière. Na ukue mbali. Et que tu sois éloigné. Labda unahitaji lunette ya nguvu sana. Peut-être que tu as besoin de lunettes fortes. Na lunette haitakusaidia kuona vizuri. Le verre ne t'aideront pas à bien voir. Sababu uko mbali. Parce que tu es loin. Alafu watu wengine. Certaines personnes wanakuwa karibu, sont si proches, na wamevaa lunettes, mais ils portent des lunettes. Mimi macho yangu ni mzuri, sivaangi lunettes. Moi, mes yeux sont bien, n'ont pas de problème. Je sasa ukinipatia lunettes nijaribu kusoma hii. Si tu me fais des lunettes pour lire ceci, nitashindwa. Je ne saurais pas. Nitasoma vitu vingine yenye haiko hapa. Je vais lire ce qui n'est pas écrit. Alafu siku ingine nakumbuka. Je me rappelle un jour. Kijana yangu alikuwa mdogo. Mon enfant était si jeune. Alikuwa kama miaka tatu. Il avait 3 ans. Na kila jioni tulisoma Biblia. Et chaque soir nous lisions la Bible avec kwa nyumba. Sasa msichana yeye alikuwa anajua kusoma. La jeune fille elle savait lire. Lakini kijana hakujua kusoma. Mais les garçons ne savaient pas lire. Lakini kila wakati alitaka asome. Mais toutes les fois il désirait lire. Sasa ningempatia Biblia. Et je lui faisais la Bible. Kwanza anaishika hivi. D'abord, il renversait les écritures. Alafu anaanza kusoma. Et puis il commence à lire. Sema alafu jana dadi akanichapa kiboko. Hier papa m'a giflé. Nini alikuwa anasoma? Qu'est-ce qu'il lisait? Alikuwa anasoma kutumia lunette experience. Il lisait utilisant le lunette qui s'appelle expérience. Sasa wakati mwingine sisi tunasoma maandiko. Quelquefois nous lisons les écritures. Ama volonté ya Mungu. Nous lisons la volonté de Dieu. Kutumia lunette ya experience ya maisha. Tout en utilisant, en nous focalisant sur le lunette de l'expérience vitale. Na waza ni hapa nilitumia hii mfano. C'est ici où je vais utiliser cet exemple. Ilikuwa mkutano ya wamama. C'était une assemblée de femmes. Alafu mchungaji akasema, et le pasteur dit, kila mama atumie mume wake ujumbe, que chaque maman envoie un SMS à son mari, ya kusema nina kupenda mume wangu, disant je t'aime mon amour. Alafu tungoje réponse, et puis attendons la réponse. Réponse zilikuja. Il y a eu des réponses qui sont tombées dans le téléphone. Mmoja aliuliza, sasa nini unataka tena? Et l'un dit, mais qu'est-ce que tu fais encore? Mwingine akauliza nini umekunywa asubuhi? L'autre dit qu'est-ce que tu as bu ce matin? Sababu wanasoma hiyo message na nini? Parce qu'ils lisent ce message avec quoi? Na experience. Avec l'expérience. Experience inaweza kuzuia usiendelee. L'expérience peut t'empêcher à avancer. Kwa Kiingereza usema once bitten twice shy, umepigwa mara moja unaogopa mara mbili. En anglais, ça se dit ceci, tu as été frappé pour une fois, maintenant tu as peur de la seconde fois. Sababu ya my experience. Juste à cause de l'expérience. Kuna mtu ukiambia leo enda uombe ufunge. Pour certaines personnes, on peut leur demander d'aller jeûner et prier. Atakwambia wewe acha na hiyo mimi sijaitwa. Il va te dire arrête ces histoires, si tu pas rappelé. Ton père a essayé. Akashindwa. Il a échoué. Sasa anasema ah impossible na mimi. Il dit moi non non, c'est pas possible. Expérience za maisha. Juste l'expérience de la vie. Sababu gani? Pourquoi? Sababu imeandikwa juu yako. Parce qu'il a été écrit à ton sujet. Sasa utaonaje clairement nini imeandikwa? Comment vas-tu clairement vu ce qui est écrit à ton sujet? Ndio uweze kuendelea mbele. Pour que tu puisses avancer. Ndio uweze kutoka fasi yenye uko. Pour que tu quittes la stagnation. Mambo mawili ya muhimu. Il y a deux éléments fondamentaux. Lazima ujitoe ile mavazi uko nayo. Premièrement, enlève le vêtement que tu as. Ile mavazi ya experience. Le vêtement de l'expérience. Sababu angalia Daudi. David. Anaenda vita, anataka kupigana na Goliath. Il s'apprête pour affronter Goliath. Sauli anampatia mavazi yake. Saul lui confère ses vêtements royaux. Ile mavazi ya Sauli ni nini? Ce vêtement de Saul c'est quoi? Ni experience yake. C'est l'expérience qu'il a. Anasema ukivaa hii. Il dit si tu portes ceci. Ukipigwa hapa iko chuma. Et que on te fait une lance c'est le fer. Daudi anasema hiyo ni yako. Et David dit ça c'est à toi. Wacha mimi nikuje kwa simplicité vile ninamjua Mungu. Laisse-moi venir avec la simplicité de la manière dont je connais Dieu. Sasa lazima tuamue kukuja vile tulivyo. Il nous faut venir tel que nous sommes. Na vile imeandikwa juu yetu. Et tel que il a été écrit à notre sujet. Ninafurahia na hii témoignage nimewahi toa tena. J'aime tellement ce témoignage que j'avais donné un jour. Papa mmoja alikosa karo ya shule, pesa ya shule ya watoto. Un papa avait manqué le frais scolaire pour ses enfants. Alipokuja kanisani. Et quand il est venu à l'église. Akasikia mafundisho. Il a entendu les enseignements. Ng'ombe kwa milima 1000 ni ya Mungu. Ngombe, toro, zenyeziko kwa milima mil, ni za Mungu. Le taureau, le mille taureaux qu'il y a à la montagne appartiennent à Dieu. Akasikia akasema, hein? Il entendit et dit, oh, Mungu anakuwa na ngombe. Dieu a des vaches. Akapiga hesabu ngombe moja $300. Il calcula une vache coûte $300. Akajua watoto wanahitaji tu $300. Et il a su que les enfants n'ont besoin que $300 pour les frais scolaires. Mzee alitoka pola pole akaenda nyumbani. Et ses papas est rentré calmement à la maison. Hakungojea aombewe. Il n'a pas entendu compris pour lui à l'église. Alipofika nyumbani. Et quand il est arrivé à la maison. Akasema baba yangu. Il dit mon père. Uza ngombe moja. A paye une vache. Vend une vache, ok. Uza nanunua, ok sawa. Uza moja alafu nipati ile pesa nilipie mtoto shule. Vend une vache et donne-le-moi pour payer le frais scolaire de mes alors, enfants. Mungu aliuza moja tu. Et Dieu a acheté, a vendu une vache. Oh, kuuza na kuuzisha. Na sisi ni kuuza na kununua. Sawa, sasa nimeelewa. Sawa. Sasa yeye akauzisha moja, Mungu akauzisha moja. Et Dieu a vendu une vache. Na papa alipata pesa ya kulipia watoto shule. Et ce papa a eu l'argent pour payer le frais. Ni simplicité. La simplicité. Mungu hayuko compliqué. Dieu n'est pas si compliqué. Sisi tunamfanya anakuwa compliqué. C'est nous qui le rendons compliqué. Vile imeandikwa tu ndio vile iko. Tel qu'il est écrit, c'est comme ça qu'il est. Wacha kufikiria zaidi. Ne pense pas trop. Wewe chukua vile iko. Saisis les choses telles que c'est écrit. Alafu Mungu ata roho atakunongonezea vile ukomprendre. Et l'esprit va t'aider à comprendre. Na itakuwa mzuri. Et ça sera important. So unataka kuona vizuri? Veux-tu bien voir? Toa lunettes. Enlève tes lunettes. Toa lunettes. Enlève tes lunettes. Leo kuna watu kiambia ninakupenda. Aujourd'hui si tu dis à certaines personnes je t'aime. Ataona shida. Il va commencer à voir ataona des problèmes. Les gens qui veulent les chiper. Ataona mambo mingi. Il verra beaucoup de choses. Sababu aliambiwa na kupenda na akaibiwa. Parce qu'un jour on lui avait dit je t'aime et on lui avait dérobé. Sasa ile lunette yake ni ile experience. Le lunette qu'il porte c'est cette expérience là. Lakini tukitoa experience. Si nous enlevons l'expérience. Tukaja mwangaza. Et que nous soyons remplis de la lumière. Alafu tukasongea karibu. Et que nous nous approchons. Tutaweza kusoma. Nous allons lire. Na tutaweza kujua. Et nous allons connaître. Nini imeandikwa kwa hii kitabu? Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Juu ya maisha yako. Au sujet de ta vie. Mtu mwingine aliniuliza nisaidie nipatie prophétie ya maisha yangu. Un homme m'a dit un jour, aide-moi, donne-moi la prophétie de ma vie. Nikasema ufike. Je lui ai dit viens. Ufike jioni. Viens le soir. Nikatafuta Biblia mpya. Et je cherchais une nouvelle Bible. Nikamwambia ndio hii prophétie. Je lui ai dit, c'est ça la prophétie. Enda utafuta hapa ndani imeandikwa. Va scripter et tu trouveras, il est écrit. Imeandikwa wapi pasta? Où est-ce que c'est écrit pasteur? Nikamwambia ukianzia Genèse, kitabu cha mwanzo. Je lui ai dit, si tu commences en Genèse, avant ufike Apocalypse utakumepata. Avant d'arriver en Apocalypse, tu trouveras ta part. Enda utafute. Va chercher. Sababu sitaki unifanye nikuwe muongo. Parce que je ne veux pas être menteur. Mimi nataka ni confirmer ile unajua. Je vais confirmer ce que tu sais. Hapana mimi nikupatie direction ile. Et non pas moi tracer une nouvelle direction. Mwangaza. La lumière. Ni muhimu kusongea karibu. Il est important de s'approcher. Sasa siko nataka kusema hiyo maneno. Je ne voulais pas beaucoup parler de ces choses. Lakini nimejipata nimesema. Mais enfin j'en ai parlé. Natumaini imekusaidia. Je pense que ça va t'aider. Ivile imenisaidia. Parce que ça m'a aidé. Sasa kama tutavunja stagnation. Et si nous voulons briser la stagnation. Nini tunahitaji tufanye? Qu'est-ce qu'il nous faut réaliser? Ya kwanza tuwe na njaa na kiu. Premièrement, il faut avoir faim et soif. Na mtu mwenye ako na njaa. Une personne qui a faim. Huwa achagui chakula. Ne cherche pas. Ne distingue pas la nourriture. Yeye huamua tu anakula. Lui, ce qu'on lui présente, c'est ce qu'il mange. Umayona mtu mwenye ana kiu ya sigara. As-tu vu quelqu'un qui a soif de la cigarette? Akitembea kunjia. Lorsqu'il passe sur le chemin. Aone shege moja anavuta sigara. Et il voit un maibobo qui prend la cigarette. Atakimbia haraka pia achukue hiyo. Il va fuir rapidement et ravir cette cigarette sababu pour en utiliser. Sababu iko kiu ndani yake ya sigara. Parce que c'est une faim qu'il a en lui. Sababu tukikuwa na njaa na kiu. Si nous avons faim et soif, inatusukuma tutafute. Cela nous pousse à chercher. Mtu mwenye ana njaa na kiu hawezi akatafuta. Une personne qui n'a pas soif et faim ne peut pas se donner à chercher. Mtu mwenye ana njaa na kiu utafuta makosa. Une personne qui n'a pas faim et soif ne cherche que les erreurs. Imagine mama umepika chakula jioni mzuri. Le soir, maman, tu as bien préparé ton menu. Alafu papa anakuja. Et papa arrive. Anaweka ndani kidole hivi. Il met dedans son doigt. Sema hii ulipikia nani? Il dit, ça tu as préparé à qui? Utasikia namna gani? Comment tu vas te sentir? Hautasikia tena umpikie. Tu n'auras pas le courage de le faire prochainement. Takuna mwambia na ukule huko penye ulitoka. Et tu lui diras, et retourne manger là où tu étais. Sababu mimi sijui kupika. Parce que je ne sais pas préparer. Sababu mtu hakukua na njaa. Cet homme n'avait pas faim. Niliona watu wengine wakiwa na njaa. J'ai vu d'autres personnes quand ils avaient faim. Na kwetu si upika ugali naiva sana. Et chez nous, quand tu prépares le fufu, ça ne devient pas si dur. Inakuwa ngumu na inaiva sana. Ça devient dur. Sasa huyu mzee alikuwa na njaa. Alors cet homme avait faim. Ugali ilikuwa haijaiva. Et le fufu n'était pas bien dur et cuit. Alikula yote haraka haraka. Et il a tout mangé. Là, na mambi, hiyo ugali haikuwa imeiva. Mais après il dit, mais ce foufou n'était pas bien cuit. Mais c'était dans le ventre. La faim et la soif. Daudi anasema katika Somme 42. Dans Psaume chapitre 42. Anasema namna gani mstari wa kwanza. Qu'est-ce que David nous dit? Moyo wangu utamani Yesu. Moyo wangu utamani. Moyo wangu utamani. Verset ya kwanza hadi ya tatu. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des couronnes d'or, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand t'irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Amen. Anasema jinsi ayala anaonea kiu maji. De manière qu'une biche soupire des courants d'eau. Ndivyo moyo wangu unakutamani. Ainsi mon âme soupire après toi. Kama tutaondoka penye tuko. Si nous quittons de là où nous sommes. Alafu tuweze kwenda hatua ya mbele. Et franchir un pas. Mioyo yetu lazima itatamani kitu kipya. Nos cœurs vont désirer quelque chose de nouveau. Mioyo yetu itakuwa na njaa kwa sababu ya Mungu. Nos cœurs auront soif de Dieu. Mioyo yetu itakuwa na njaa ya kuona mabadiliko. Nos cœurs auront soif de voir les changements. Sababu ya kuwa na njaa, vu lorsqu'on a soif, tutakuwa na matarajio. Nous aurons des aspirations. Sababu kama hauna matarajio, si tu n'as pas des aspirations, aspiration ou bien expectation. Ni même chose. Ni expectation. Expectation bien ni français. Mimi nilifikiria ni nene ya kizungu nimeifanya imekuwa français. Sababu niligundua wakati mwingine ukitaka kusema français unasema tu anglais lakini unasema na sauti ya français. Bien. Sasa moyo wako lazima uwe na matarajio. Il te faut avoir l'aspiration ou l'expectation. Sasa ukiwa na matarajio, et lorsque tu en as, maandiko inasema, il est écrit, matarajio ya mwenye haki, les aspirations de l'homme juste, yeye ataijibu. Lui, il les accomplit. Ndiposa mama akiwa mjamzito, lorsqu'une maman est grosse, kwa anglais tunasema expectant mother. En anglais, nous disons une femme qui aspire à. Qui a ta famille. Qui a ta famille. Qui aspire à une famille. Attends la bébé. Il attend la bébé. Le bébé. Le bébé. Ouais. Pas la bébé. Mais si c'est une fille, c'est la bébé. Na French ni mzuri kweli. Français tellement intéressant. Sasa matarajio yako. Tes aspirations. Hawezi ukakuwa na matarajio. Tu ne peux pas avoir des aspirations. Na ukose njaa na kiu ya kutimiza. Sans que tu n'aies la soif et la faim d'accomplir. Lazima uwe na njaa na kiu ya kujibu matarajio. Il te faut être affamé et assoiffé d'accomplissement. Alafu Mungu anajibu ile. Et c'est là que Dieu réalise. Sababu kuna matarajio. Il y a certaines aspirations. Na kuna njaa ya kuona matarajio imetimia. Il y a également la faim de voir cette chose s'accomplir. Lakini mtu mwenye amekaa. Mais quelqu'un qui se met juste ana matarajio, et qui n'aspire à rien, ana chochote, qui n'attend rien, yuko tu, il est juste là, vaille que vaille. Unamuuliza uko wapi? Tu lui demandes où est-ce que tu es. Tuko tu, tuko tu hapa tu. Il dit, bon, on est juste là. Unafanya nini? Que fais-tu? Nangoya wewe tu. Je n'attends que toi venir. Uyo mutu utachoka na yeye. Tu vas te fatiguer de cette personne. Utasema sa, we endelea tu kungojea. Et tu diras, continue à attendre. Wacha sisi tuende. Lorsque nous avancions, we ngojia, ngojia kidogo. Toi attends toujours. Matarajio. Les aspirations. Sababu uko na njaa na kiu. Parce que tu as faim et soif. Kama utavunja stagnation. Si tu veux briser la stagnation. Lazima uwe na njaa na kiu. Il faut que tu aies la soif et la faim. Kwa sababu ya Mungu. De Dieu. Kwa sababu ya haki. De la justice. Kwa sababu ya kuendelea mbele. La soif d'avancer. Kwa sababu ya kutaka kuona mabadiliko. De vouloir voir et vivre les changements. Kulikuwa na vijana watatu. Il y avait trois jeunes. Walikuwa naona kanisani kwao mambo haiendi mzuri. Ils voyaient dans leur église que les choses n'allaient pas bien. Mambo ilikuwa ni ngumu. Les choses étaient dures. Wakakuwa na njaa na kiu. Ils avaient faim et soif. Waliingia kanisani vendredi. Et ils sont entrés le vendredi à l'église. Na wakajifungia. Ils se sont enfermés. Na ile njaa na kiu wakaigeuza ikakuwa maombi. Et cette faim et soif s'est transformée en prière profonde. Wakalia mbele ya Mungu. Ils ont pleuré devant Dieu. Wakatoka dimanche asubuhi. Ils sont quittés le dimanche matin. Wakarudia kilte. Et retourné au culte. Wakati mchungaji alichukua micro. Et lorsque le pasteur a pris le micro. Mungu alikuja. Dieu est venu. Na alibadilisha mambo. Et il a changé les choses à l'église. Sababu gani? Pourquoi? Sababu moto ushuka kwa sadaka. Le feu est descendu sur les offrandes. Hakuwezi kukakuwa na moto. Ne peut pas y avoir du feu. Kama hakuna sadaka. S'il n'y a pas le sacrifice. Na sadaka ni nini? Et le sacrifice c'est sadaka quoi? Ni wewe na mimi tumejitoa kwa sababu ya Mungu. C'est toi et moi qui nous confions. Tunaweza irepresenter kwa pesa. Ça peut être représenté par l'argent. Tunaweza irepresenter kwa kujitolea kwetu. Ou soit par notre consécration. Tunaweza kujirepresenter kwa kukuja na kusema sitoki hapa hadi Mungu afanye kitu. Ou soit ça peut être représenté par le fait de venir et dire je ne quitte pas avant que Dieu ne puisse agir. Alafu moto inashuka. Et là le feu descend. Sasa njaa yako na kiu iko kwa nini? Et ta faim et ta soif est fondée sur quoi? Kuna watu wanakuwa na njaa na kiu ya nguo. Il y a des gens qui ont faim et soif de vêtements. Ndio kienda kwa nyumba zao wako na style yote ya manguo. Et quand tu arrives dans leur maison garde-robe, il y a tout style de vêtements. Alafu pande ingine wameshindwa. Et d'autres, dans d'autres domaines, ils ont échoué. Lazima tukue na njaa na kiu. Nous devons avoir faim et soif. Kama tutaweza kutoka penye tuko tufanye avancer. Si nous de quitter de là où nous sommes pour avancer. Njaa na kiu. La faim et la soif. Ni mambo ya muhimu. Ce sont des choses importantes. Kitu cha pili. Deuxième chose. Lazima tuinuke. Nous devons nous lever. Tuinuke tuache kukaa. Levons-nous et cessons de nous mettre. Kwa ibada ya kwanza. Au premier culte. Tuliongea habari ya alitaje panitas panit. Nous avions parlé des panites. Epainette. Singe quoi tu epainettes comme anglais. Epainette. Yeye epainette. Monsieur Epainette. Alijulikana na nini? Il était connu comment? Paul anaandikia Warumi barua. Paul écrit aux Romains. Alafu anasema musalimie Epainette. Il dit, saluez Epainette. Yule aliyekuwa wa kwanza kuamini. Celui qui a été le premier à croire. Sifa yake ndani ya kanisa. Son succès dans l'église. Ni ya kuwa yeye alikuwa wa kwanza kuamini. Dépendait de son ancienneté. Il a été le premier à croire. Nini anafanya ingine? Et qu'est-ce qu'il fait après ça? Anatia viti joto. Il ne fait que chauffer les bancs. Lakini hakuna kazi ingine anafanya. Il n'y a rien qu'il fait. Ni hawa membra wako preza. Ce sont des membres dans les églises qui sont si présents. Wanakuja kila dimanche hawakosi. Ils viennent chaque dimanche ponctuel. Lakini ukiuliza mavoisin ya huyo ni mkristo ama pana. Et quand tu demandes aux voisins, celui-ci est chrétien ou pas? Watakwambia tujui. On te dit, nous ne savons vraiment pas. Sisi tunamwonanga tu akitoka akirudi. On le voit juste quitter et entrer. Hakuna impact. Il n'y a pas d'impact. Wacha niseme hivi. Laisse-moi dire ceci. Ukiangalia kitabu cha matendo ya mitume. Lorsque tu scriptes Actes des apôtres. Popote mitume walienda. Partout où les apôtres passaient. Kulikuwa na mambo mawili. Il y avait deux choses. Kulikuwa na réveil. Il y avait le réveil spirituel. Kama hakukuwa na réveil. Et s'il n'y avait pas de réveil kulikuwa spirituel. Kulikuwa na manifestation. Il y avait la manifestation. Walipigwa. Ils étaient frappés. Watu waliwakata. Les gens le refoulaient. Sababu ya injili. À cause de l'évangile. Ama watu waliwakubali. Soit on les acceptait. Na wakabadilisha ile muji. Et ils bouleversaient les cités. Sasa nikuulize swali. Laisse-moi te poser une question. Umekaa mukatie miaka kumi. Tu es dans ton quartier pendant 10 ans. Na watu wajui kama wewe ni chrétien. Et les gens ne savent même pas que tu es chrétien. Nikusema umekubaliana na vitu yao yote. Cela veut dire que tu t'es adapté à leurs affaires. Haujainuka kupita ile niveau amekuwekea. Tu ne t'es pas encore levé pour surmonter ce niveau-là. Lazima tuinuke. Nous devons nous lever. Hatuwezi tukakaa fasi tulikuwa. Nous ne pouvons pas demeurer là où nous étions. Lazima tusimame. Nous devons nous tenir debout. Tuchukue msimamo mpya. Prendre une nouvelle responsabilité. Tuseme hapana. Et dire non. Unajua mtu anaitwa Phinehas. Tu sais celui qu'on appelle Phinehas? Kwa Biblia. Dans la Bible. Kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Numbers, Numbers. Nombre. Sasa Moïse na wazee, Moïse et les anciens, walikuwa wamekaa. Ils étaient assis. Wanajaribu kujadiliana mambo vile inaendelea. Ils s'entretenaient sur les affaires. Sababu ya usharati ilikuwa inafanyika Israeli. Il y avait la débauche qui débordait. Alafu mwanaume anakuja na mwanamke Moab. Alors il y a un homme qui vient avec une femme moabite. Anaenda kufanya usharati naye. Et qui va faire la débauche avec elle. Moïse walikuwa amekaa. Moïse et les autres étaient là. Phinehas akasema hapana. Phinehas s'est dit non, c'est assez. Hii kitu inanihusu. Cette chose me concerne. Nitaamuka nifanye kitu. Je me lève et agis. Akachukua mkuki. Je prends une lance. Akaenda akawaweka. Et il les a transpercés. Sababu aliinuka. Parce qu'il s'est levé. Mungu akasema, et Dieu dit, amenitetea. Il a plaidé ma cause. Sababu amenitetea. Parce qu'il a plaidé ma cause. Akaanza kutabiri mambo itatendeka kwa Phinehas. Dieu commença à prophétiser ce qui va se passer dans la vie de Phinehas. Unajua ninaomba sana. Je prie tellement. Ya kuwa watu wakusumbue. Que les gens te tourmentent. Ndio uinuke. Afin que tu montes. Nilikuwa ninaangalia kitabu cha Roi. Je lisais le livre des rois. Je trouvais que Élisée était assis. Samarie était envahie. Le roi de ténèbres voulait les exterminer. Élisée était là, intact. Il ne faisait rien. Alafu mfalme wa Israeli, le roi d'Israël, akasema atangoa yeye kichwa. Il dit qu'il va lui couper la tête. Alipotumana ile ujumbe, lorsqu'il a envoyé cette nouvelle, ile ujumbe ilifanya nini? Cette nouvelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Élisée aliamuka. Ah, par cette nouvelle, Élisée s'est levé. Akaanza kutabiri. Et il a commencé à prophétiser. Alafu nacheka sana Francis nasema namna gani? Et que dit la version française? Ainsi parle l'Éternel. Hivyo wamageshi anasema. Alafu nikaangalia ile Biblia. Et je vis cette Bible là. Sioni penye Mungu alikuja akaongelesha Elisa asema. Je ne vis nulle part où Dieu a dit à Élisée de parler. Elisa angesema hiyo maneno kitambo mambo ingekwisha. Si Élisée pouvait déclarer ces choses si tôt, il pouvait pas y avoir des problèmes. Alihitaji ambiwe utakatwa shingo. Il a fallu qu'on lui dise qu'on va te couper la tête parce que ça ne marche pas. Pour qu'il se réveille et déclare. Ninaomba wakusumbue kidogo. Je prie Dieu qu'on te tourmente aussi. Afin que tu te lèves et déclares que tu quittes dans ces blocages. Ukisikia mtu anaambiwa, si tu entends qu'on dit à quelqu'un, tutakufuta kazi. Nous allons te chasser du travail. Ndio unaona sasa anaamuka. C'est là tu vois qu'il se réveille. Anakimbia kwa pasteur. Il court auprès du pasteur. Anakimbia kufunga kuomba. Il commence à prier, jeûner. Anajaribu kujua mkubwa. Il essaye de connaître le chef. Anajaribu kufikiria eske nimewahi jenga nyumba kwangu ama hapana. Il commence à penser ce que j'ai déjà investi. Sababu ki, mut, ametishwa. Parce que on l'a challengé. Sasa kutishwa si mbaya. Être challengé n'est pas mauvais. Inatusaidia kuamka. Ça nous booste pour nous réveiller. Si wewe utishwe leo. Que tu sois éprouvé aujourd'hui, hein. Hey, mtu akuja akutishe kidogo. Que quelqu'un te bouge un peu, te secoue. Hey, ukishatishwa. Quand on te booste, utaamka. Tu vas te réveiller. Mama ukitishwa. Maman, si on te choque. Bwana yako hii tutachukua. Bwana yako tutamchukua. Nous allons prendre ton mari. Ndio mama anaamka. C'est là que tu te réveilles. Je ne prépare pas bien pour lui. Nini tafanya nitoroke? Qu'est-ce que je peux faire? Ama ni mimi navaanga vibaya. J'agis mal. Nini tafanya namna gani? Que puis-je faire? Anaamuka kwa usingizi. Elle se réveille du sommeil. Elisa aliamuka kwa usingizi. Elisa se réveille du sommeil. Mfalme aliposema kichwa tutakata. Et quand le roi a dit que ta tête sera coupée. So inafaa uamuke. Il te faut te réveiller. Lakini ukikataa kuamuka na kuinuka. Si tu refuses de te réveiller et te lever. Ninaomba Mungu akutishe. Je prie que Dieu te choque. Eh, wakikutisha hauna mwai ingine utaamuka. Si on te choque, tu n'auras pas de choix, tu vas te réveiller. Amujayona mtu anaambiwa oh tutakupiga. N'as-tu jamais vu quelqu'un à qui on dit je veux te frapper? Et quand on te dit je veux te frapper, et tu vois quatre personnes debout, tu vas rester là debout. Tu vas commencer à chercher le chemin raccourci pour fuir. Tu oublies que tu es lourd comme moi. Tu cours bien. Si on te choque, tu peux bien courir. Si tu veux briser la stagnation, il est important que tu t'élèves. Pourquoi nombreux ont peur de s'élever? Sababu ya uoga. À cause de la peur. Sababu anaogopa aibu. Tu as peur de l'humiliation. Sababu anaogopa kushindwa. Tu as peur de l'échec. Anaogopa kushindwa. Peur de l'échec. Napenda evangeliste moja. J'aime beaucoup un évangéliste. Alienda crusade. Croisade. Il est allé dans une croisade. Akaubiri, akaita watu kwa Yesu. Il a prêché et invité les gens à croire en Jésus. Kasema, wagonjwa wote waletwe. Il dit que tous les malades viennent. Na waliletwa. Et ils ont été amenés. Ndugu aliona stili ya magonjwa ile. Cet homme, lorsqu'il a vu le genre de maladie présent là, na unajua wewe mwenyewe ndio umesema waletwe. Et alors que c'est toi-même qui as dit que ces malades viennent, utafanya nini? Qu'est-ce que tu vas faire? Inabidi ujikaze. Il faut que tu te fortifies. Aliwachukua kawaingiza chini ya madhabahu. Il les a pris et les introduire sous le strade, le podium. Lakini Mungu alimsaidia. Mais Dieu l'a aidé. Walipona. Ils ont été guéris. Ni vizuri kujaribu. Il faut essayer. Ni vizuri kuinuka. Il faut t'élever. Ndugu mwingine kwetu Kenya. Un autre homme chez nous au Kenya. Akaenda kwa matanga. Il est allé au dei. Akasema Yesu fufua maiti. Il dit Jésus ressuscite les morts. Wale watu wakasikia. Et les gens ont entendu. Na vijana wako pale wamevuta bangi. Et les jeunes qui fumaient la chambre étaient là. Eh? Wakasema ni kweli. Ils ont dit c'est vrai. Ndugu anafikiria anasema tu kawaida imeandikwa. Et le bien-aimé pensait qu'il parle juste parce qu'il est écrit. Akasema ni kweli. Il a dit oui, c'est vrai ça. Akaona amezungukwa. Et on l'a entouré. Maiti imeletwa. Et on amène le cadavre. Wakamwambia fufua. Et on dit ressuscite-le. Na wote wameshika mawe. Et tous avaient des pierres à la main. Utafanya nini? Qu'est-ce que tu vas faire? Zala na mbangu. Lakini napenda yule evangeliste. J'aime beaucoup cet évangéliste. Alianza kuombea maiti. Il a commencé à prier pour les cadavres. Lisa la kwanza hakuna kitu. Inert. Lisa la pili hakuna kitu. Désert, pas de mouvement. Lisa la tatu hakuna kitu. Désert, pas de mouvement. Wale wandugu wamengojea. Ces gens étaient patients. Wanasema hapa atubanduki atutoki hapa. Ils ont dit nous ne bougeons pas d'ici. Usipofufua. Si tu ne le ressuscites pas. Na wewe pia utakuwa kama imaiti. Et toi, tu seras comme lui. Baada ya muda. Après un bon moment. Evangeliste akachoka. L'évangéliste était fatigué. Ametoka jasho. Il a sué. Ni mambo hakuwa amepanga. Il ne planifiait pas cette opération. Hadi akatoa chati. Jusqu'à ce qu'il enleva même la chemise. Lakini maiti ilifufuka. Et ses cadavres est ressuscité. Et les gens ont cru en Jésus. Sasa ni sisi tunaongopa tu kujaribu. C'est nous qui avons peur d'essayer. Tujaribu. Essayons. Iko risque ndio. C'est un risque oui. Lakini tujaribu. Mais essayons. Unaogopa kuanzisha biashara utapoteza pesa. Pourquoi as-tu peur de commencer les affaires parce que tu crains de perdre ton argent? Oui, jaribu tu ikipotea ni sawa. Essaye même si ça se perd, c'est pas grave. Utakuwa ni kama wale watu waliwahi jaribu. Tu seras parmi ceux-là qui ont pu essayer. Siku ingine nilikuwa kukaa moja. Un jour, j'étais dans un camp. Lafu nikasema acha nifunge siku tatu niombe nifunge chakula. Et là, je dis, je vais jeûner pendant 3 jours secs. Na kulikuwa na rafiki yangu moja. Il y avait un ami à moi. Akaniona siku ya kwanza nimesikuli. Il m'a vu le premier jour, je ne mange pas. Siku ya pili sikuli. Deuxième jour. Siku ya tatu sikuli. Troisième jour. Akakuja akaniambia, yani hujakufa. Et il est venu me dire, t'es pas encore mort. Na bado umenona tu. Et tu es toujours splendissant. Pia mimi nitajaribu. Et oui. Moi aussi, je vais essayer. Akajaribu, akainua niveau. Il a essayé et élevé son niveau. Ukijaribu, hautakufa. Si tu essayes, tu ne mourras pas. Sababu, umejaribu ndani ya Mungu. Parce que tu essayes en Dieu. We, jaribu, yo biashara, unafikirianga. Toi, essaie de faire ces affaires que tu désires. Jaribu tena. Essaye encore. Jaribu, kuhubiria mtu mmoja pale nje. Essaye de prêcher à quelqu'un là. Jaribu. Essaye. Wacha kuka. Cesse de demeurer stagné. Comme Epainette. Comme Epainette. Epainette ameka. Epainette était assis. Kiti ya tatu. Troisième élément. Kiti ya tatu tunahitaji. Troisième élément que nous désirons. Ili tuvunje stagnation. Pour briser la stagnation. Ni imani. C'est la foi. Imani. Sasa sitaki kupatiana definition ya imani tunaijua. Je ne vais pas vous définir la foi, on connaît ça. Lakini tunakuwa na imani kwa mwenye anakuwa na capacité kutuliko. Nous avons la foi en celui qui a la capacité. Mungu wetu anakuwa fidèle. Notre Dieu est fidèle. Na yeye anakuwa na capacité ya kufanya vitu yote alisema atafanya. Et il a la capacité de faire tout ce qu'il dit qu'il va faire. Sasa kama niko na imani kwake. Et si tu as foi en lui. Nitajua anaweza fanya. Je saurai qu'il peut, il est capable de faire. Kwa hivyo nitakaa ni kama tayari amefanya. Et je vais rester comme si il a déjà fait. Siku moja. Un jour. Tulikuwa tunatafuta mtoto na mke wangu. Nous désirions avoir un enfant. Sasa tukajaribu mtoto tukawa hatuna mtoto. Nous le cherchions et il ne venait pas. Nikaona siku ingine mama ameenda sokoni. Et je vis un jour ma femme allait au marché. Akarudi na nguo za watoto. Et il est rentré avec des layers. Anaanza kunionyesha. Hii unapenda. Il commence à me montrer, tu aimes ça? Hii unapenda. Ça te va? Akizaliwa tutavalisha hii. Si il est né, on va lui faire porter ceci. Nikamuuliza iko mimba. Je lui ai dit, tu es enceinte? Akasema, elle dit non non. Lakini najua tu nitapata. Mais je crois que j'en aurai. Sasa ile ni imani. Ça c'est la foi. Imani unakaa ni kama ishatendeka. La foi tu vis comme si c'est déjà fait. Uko na confiance imetendeka. Tu as la certitude que c'est fait. Sababu Mungu atatenda. Parce que Dieu va le faire. Yeye ni fidèle. Lui il est fidèle. Iko kama leo ninajua nitalipwa mshahara. C'est comme si c'est comme un ouvrier qui sait qu'il aura son salaire. Sababu najua nitalipwa mshahara. Par le fait que je sais que j'aurai mon salaire. Naambia mtu kuja tarehe 2 utapata pesa yako. Et je dis à quelqu'un, viens les 30, tu auras ton argent. Sababu gani? Pourquoi? Unajua itakuja. Tu as foi que ça viendra. Fais de moi, pesa yako itakuja. À la fin du mois, il y aura ton salaire. Sababu gani unajua itakuja? Pourquoi tu le sais? Unajua ulifanya kazi. Tu es sûr que tu as travaillé. Sasa tukiwa ndani na imani kwa Kristo. Et si nous avons foi en Jésus. Tunajua tumefanya yenye tunahitaji tufanye. Nous avons fait ce qu'il faut. Nayo ni nini? C'est quoi? Kumuamini Kristo. Croire en Christ. Kumuamini, kuamini kazi alifanya. Croire en l'œuvre qu'il a fait. Hiyo ndio tumeamini. Oui, nous croyons. So tunajua atafanya. Nous croyons et nous croyons qu'il va faire. Na itakuwa mzuri. C'est bon ça. Sasa lazima tuwe watu ya imani. Il nous faut être des hommes et des femmes sababu de foi. Tukikosa imani, si nous manquons la foi, Ningumu kuendelea. Il est difficile d'avancer. Ningumu kujua mambo. Il est difficile de connaître les tusipokuwa choses. Na imani, si nous n'avons pas la foi, tunabakia pale. Nous stagnons. Alafu imani, la foi inatupatia kitu kimoja cha muhimu. Nous donne un élément important. Uvumilivu. La patience. Uvumilivu, la patience inaendana sana na imani. Va de pair avec la foi. Hawezi ukakuwa na imani, tu ne peux pas avoir la foi, alafu ukakosa kuvumilia, et manquer la patience. Ukiona watu wenye wanakuwa kwa ndoa mbaya, si tu vois des gens qui sont dans des mauvais mariages, unamuuliza mbona umekaa kwa hii mariage. Ah, si tu vois quelqu'un qui est dans un mariage sans être marié, et lui dit pourquoi tu es dedans, unaona analia na kuambia najua tu Mungu atambadilisha, et il plaire et dire je sais que Dieu va le changer. Mungu anaweza kumbadilisha. Dieu peut le changer. Ni vizuri tukue na imani. Il est important que nous ayons la foi. Na imani, la foi inafanya tunavumilia. Fait que nous soyons si patients. Na tukivumilia, et en patientant, inatupatia compartiment ya kiungu, tabia ya kimungu. Cela nous donne la nature, le caractère de Dieu. Sababu ninajua Mungu atafanya. Parce que je sais que Dieu va agir. Hata kama hajafanya, najua atafanya. Même s'il n'a pas encore fait, je sais qu'il va le faire. Sasa nitaendelea kujibeba vizuri. Alors je vais continuer à bien me comporter. Sitaenda kumusaidia. Je ne vais pas chercher à aider Dieu. Ninajua atafanya. Je foi qu'il va faire. Sasa nitakaa vile anataka nikae. Je vais m'arranger et demeurer tel qu'il veut que je sois. Watu wengi utoka kwa njia za Mungu. Nombreux laissent la bonne voie de Dieu. Sababu wanafikiria wamechelewa. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en retard. Alafu wamechoka. Et ils se fatiguent. Sasa wanawacha. Et là, ils se séparent. Tukue na imani. Ayons la foi. Na wakati tunakuwa na imani. Et lorsque nous avons la foi, ni rahisi kuendelea pamoja na Mungu. Il nous est facile d'avancer avec Dieu. Ni rahisi kupata majibu. Il est facile d'accéder à l'exaucement. Sasa nimesema mambo mengi. Je parlais de beaucoup de choses. Mwalimu mzuri ufanya résumé. Un bon enseignant fait le résumé. Ya mambo yote nimesema. De tout ce qu'il a été dit. Ni vizuri kuelewa yote. Il faut tout comprendre. Nimeongea bari ya njaa na kiu. Je parlais de la faim et de la soif. Tukue na njaa na kiu. Ayons faim et soif. Alafu tuinuke. Et là, levons-nous. Tuache woga. Cessons d'avoir peur. Woga ya kuaibika. La peur de l'humiliation. Tuendele mbele. Avançons. Tukue na imani. Ayons foi. Na tukifanya mambo yote. Et lorsque nous faisons toutes ces choses. Inaleta mambo mbili ya muhimu. Ça nous amène deux choses importantes. Inafanya tunakuwa na assurance ama confidence kwa Mungu. Ça nous communique la confiance ou l'assurance en Dieu. Alafu inajiexpress ama inajitokeza kupitia maombi. Et ça s'exprime par le canal de la prière. Hawezi ukaniambia wewe uko na imani na ukose kuomba. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi alors que tu ne pries pas. Hawezi ukasema mimi nitainuka na ukose maombi. Tu ne peux pas te dire que je vais me lever sans que tu ne pries. Alafu nikasema ya muhimu pia. Je vais aussi dire. Inafaa utishwe kidogo. Il faut que tu sois choqué. Ndio uinuke. Pour que tu te lèves. Uchukue position yako. Pour que tu prennes ta position. Unajua ninapenda Elisha. J'aime beaucoup Élisée. Sababu wakati Naaman aliletwa Israeli. Lorsque Naaman a été amené en Israël. Akapelekwa kwa mfalme. On l'a amené auprès du roi. Mfalme akatoa nguo. Le roi a déchiré ses vêtements. Akasema, hey, huyu ananitafuta vita. Il dit, oh, cet homme veut la guerre avec sababu moi. Kulikuwa na tishio kidogo. Parce qu'il y avait une preuve. Elisha anasema, aletwe kwangu. Élisée dit, amenez-le auprès de moi. Ajue kuna nabii Israel. Et qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Alijua position yake. Il a su sa position. Sababu alisoma imeandikwa. Parce qu'il a lu qu'il est écrit. Tusonge karibu. Approchons. Kitu cha mwisho nataka niseme cha muhimu. Ce que j'aimerais dire enfin. Naunganisha na ile point ya kwanza. Je vais l'ajouter sur le premier point. Ya kusongea karibu ndio uone. Qui consiste à s'approcher si près pour bien voir. Ukiona mtu anakuwa mbali na hii madhabahu hapa. Lorsque tu vois quelqu'un s'éloigne toujours s'éloigner de l'autel. Moyo yake iko mbali. Quelqu'un qui a l'habitude de se mettre loin. Yeye ni membre ya hii eglise. Son cœur est loin. Il est membre de cette église. Lakini moyo yake iko mbali. Mais son cœur est toujours loin. Ni même Manuel Moya qui combat na Yesu. Et de la même manière, son cœur est loin de Jésus. Sasa sumejijua. Tu te connais? Wewe unakuanga hapa karibu ama unakuja? Lorsque tu arrives au culte, tu es toujours devant ou tu veux toujours rester loin? Wacha nikuombe. Je vais prier pour toi. Na mija nyuso yako nikuombe. Incline ta tête. Je vais prier pour toi. Neema. Je vais prier la grâce. Baba, kwa jina la Yesu. Père, au nom de Jésus. Nimesimulia maneno yako. Je parlais de tes paroles. Ninaomba nguvu na uwezo wa Roho. Je demande que la puissance et la force du Saint-Esprit. Juu ya watoto wako sasa. Viennent sur tes enfants. Ili waweze kutimiza neno la Mungu. Afin qu'ils accomplissent la parole de Dieu. Waweze kuendelea. Qu'ils évoluent. Stagnation ivunjike. Que la stagnation soit brisée. Baba nimeomba kwa jina la Yesu. Père, je prie au nom de Jésus. Wale wanafaa kutishwa watishwe. Ceux qui doivent être choqués qu'ils soient choqués. Wale wanafaa kuchapwa kiboko wachapwe. Ceux qui doivent être giflés qu'on les gifle. Ndio wainuke wachukue position zao. Afin qu'ils se lèvent et prennent leur position en toi. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kuanzia leo Jehova. À partir d'aujourd'hui Jehova. Nimesema ni asante. Je dis merci. Wabariki. Bénis-les. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.